et elle tira d'une armoire une liasse de papier qui n'était autre chose que la collection des portraits des médecins illustres de ce temps, lithographiés par Morin, qu'on a pu voir étalés pendant plusieurs années sur le quai Voltaire. « Tiens, le reconnais-tu celui-ci ? » « Oui, c'est X. Le nom est en bas d'ailleurs. Mais je le connais personnellement. » « Je savais bien. » « Tiens, voilà Z, celui qui disait à son cours en parlant de X. Ce monstre qui sur son visage porte la noirceur de son âme. Tout cela parce que l'autre n'était pas de son avis dans la même affaire. Comment on riait de ça à l'école, dans le temps, tu t'en souviens ? Tiens, voilà K, celui qui dénonçait au gouvernement les insurgés qu'il soignait à son hôpital. C'était le temps des émeutes. Comment est-ce possible qu'un si bel homme ait si peu de cœur ? Voici maintenant W, un fameux médecin anglais. Je l'ai attrapé à son voyage à Paris. Il a l'air d'une demoiselle, n'est-ce pas ? Et comme je touchais à un paquet ficelé, posé aussi sur le guéridon, « Attends un peu, » dit-elle. « Ça, c'est les internes, et ce paquet-ci, c'est les externes. » Elle déploya un éventail, une masse d'images photographiques représentant des physionomies beaucoup plus jeunes. « Quand nous nous reverrons, tu me donneras ton portrait, n'est-ce pas, chérie ?»« Mais, lui dis-je, suivant à mon tour, moi aussi, mon idée fixe, pourquoi me crois-tu médecin ? C'est que tu es si gentil et si bon pour les femmes ?»« Singulière logique, » me dis-je à moi-même. « Oh, je ne m'y trompe guère. J'en ai connu un bon nombre. J'aime tant ces messieurs que, bien que je ne sois pas malade, je vais quelquefois les voir, rien que pour les voir. Il y en a qui me disent froidement, « Vous n'êtes pas malade du tout. » Mais il y en a d'autres qui me comprennent parce que je leur fais des mines. Et quand ils ne comprennent pas,